Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 80 en musique. The record of the year is... Beat it, Michael Jackson! Again, thank you my mother and father. Thank you Epic Records Promotion Department, Walter Yetnikoff. Thank the disc jockeys for playing the records. Thank to the public, I love you all, thank you. Le 28 février 1984, Michael Jackson va recevoir 8 trophées Grammy pour son disque Thriller, lancé le 30 novembre 82. C'est avec la sortie de Thriller que Michael Jackson va devenir une vraie grande superstar internationale. Certains vont même aller jusqu'à dire que Michael Jackson aura été aux années 80, ce qu'Elvis Presley aura été aux années 50. Les années 80 musique, c'est aussi l'émergence du rap et chez nous, les tout débuts du Festival international de jazz de Montréal. Une autre figure importante de la chanson qui va s'imposer dans les années 80, Madonna et son premier succès planétaire, Like a Virgin, en 1984. Pour nous raconter les années 80 en musique, mes trois invités sont André Ménard, cofondateur du Festival de jazz de Montréal, Nicolas Titley, journaliste et chroniqueur musique, et Alain Brunet, journaliste à la presse. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier tour de table d'abord avec vous trois sur... on rentrera plus précisément sur de quoi sera faite cette décennie en musique, mais tout de suite, quand on parle des années 80, qu'est-ce qui vous vient en tête, Alain Brunet? Le début de la désillusion. Ah oui? Oui, surtout ça. En même temps, l'hyper-fragmentation de la musique qui commence à être tellement évidente, alors qu'auparavant, les repères étaient plus faciles. Tu avais le hard rock, le blues, le jazz, le rhythm and blues, alors qu'à partir des années 80, tout commence à se segmenter et ce n'est qu'un début. Oui. Nicolas Titley? Je suis le plus jeune ici, ça correspond à mon adolescence des années 80, là, j'ai 45 ans, donc à l'époque. Les années 80, c'est donc de 10 à 20 ans pour moi. D'accord. Donc c'est vraiment des années formatrices en fait de musique, c'est là qu'on se compose une identité. Et comme le disait Alain, ce qui est intéressant, c'est que c'est une décennie où tout s'est mis à exploser dans tous les sens et je pense que mes goûts ont été vraiment grandement influencés par cette espèce d'atomisation de la musique. J'étais allé dans toutes sortes de genres, du punk le plus obscur à ce qu'on a appelé par la suite le college rock, la musique qui jouait donc dans les universités américaines, dans les radios universitaires, donc le rock indépendant. On pense souvent que les années 80, c'est une décennie très, très synthétique, beaucoup de synthétiseurs. Or, il y a énormément d'excellents rock. André Ménard, les années 80 pour vous? Ben, j'étais déjà dans la vie professionnelle de la musique depuis quand même quelques années. En 80, j'avais 26 ans, donc en 90, j'en avais 36. Ouais. Entre-temps, bon, j'ai vu l'arrivée de mes trois enfants, premièrement. Ça change quand même la perspective sur la vie en général. Et côté musical, ben, en 1980, on avait produit Offenbach au Forum. C'était le premier concert d'un groupe québécois au Forum. C'était quand même pas mal. Et quelques semaines plus tard, on a fait Les Géants du Blues au Sepsum. Et quelques semaines plus tard, on a fait le premier festival de jazz. Donc, dans ce temps-là, pour nous, ça bougeait beaucoup. Le Spectrum a ouvert en 82. J'allais opérer pendant 25 ans. Une grosse décennie pour vous. Grosse décennie, à tous les points de vue. Ouais. Premier sujet, premier segment de cette émission sur les années 80 en musique. Évidemment, Michael Jackson. Évidemment, Thriller. Qui est, d'après vous, le chanteur le plus populaire de l'heure? Michael Jackson! Pourquoi aimes-tu Michael Jackson? Parce qu'il chante bien. il danse bien. C'est parce qu'il a gagné 9 concours. Quel genre de concours as-tu gagné? Je sais pas. Moi, je trouve qu'il est beau. Il chante bien, il danse bien. Puis j'aime sa chanson de... Thriller. Pourquoi t'aimes ça? Parce que ça fait peur. Puis j'aime bien les films qui font peur. Est-ce qu'il y en a ici qui n'aiment pas Michael Jackson? Nicolas, toi t'aimes pas Michael Jackson. Mais faudrait que tu nous dises pourquoi. Je trouve qu'il est ridicule. Quelques écoliers de Vancouver, c'est rigolo de réentendre ça avec le recul, mais ça nous dit beaucoup sur l'époque. Quelques écoliers de Vancouver, donc, qui parlent de Michael Jackson. Alain Brunet, à ce moment-là, 84, ce petit vox pop avec ses écoliers, c'est la folie. Il est très, très populaire. Oui, c'est la plus grande folie planétaire, en fait. Il y a eu des vedettes internationales depuis le début du 20e siècle, depuis les débuts de l'enregistrement. Ça remonte à Rudolf Valentino. Mais les vedettes planétaires n'étaient que planétaires en Amérique du Nord et en Europe. Oui. Et avec Michael Jackson, la planète au complet est conquise. Première grande vedette vraiment On peut dire planétaire. Que la vedette globale, oui. le concept de vedette globale, c'est Michael Jackson. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Chaque continent ou chaque mouvance culturelle, bon, je sais pas, le monde arabe avait Om Kalsum, qui était la déesse absolue de tout le monde arabe, mais personne à l'extérieur du monde arabe la connaissait ou peu. Alors que Michael Jackson est devenu une icône partout, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, en Amérique, dans toutes les Amériques, et enfin en Océanie, partout. Et Thriller, ça serait important. Il y aura trois disques importants, mais Thriller, c'est vraiment le disque qui le fait décoller, exploser. Oui, absolument. Pourquoi c'est fort, ce disque-là? Bien, c'est une transition, non seulement une transition cutanée, puisque Michael Jackson avait pâli et s'était défrisé à ce moment-là, pour avoir l'air d'un citoyen... plus ou moins sans race, c'est-à-dire à la fois noir, à la fois blanc, à la fois latin, à la fois n'importe quoi, en fait. Il voulait incarner l'être humain au complet et en même temps, il voulait avoir l'air peut-être moins noir. Enfin, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui le lui ont reproché. Est-ce que ça s'entend dans sa musique, dans Thriller, par Absolument. Exemple? Absolument, c'est là que ça se passe. Ouais. C'est que au c'est départ... De la musique, c'est moins de la musique de noir, entre guillemets, Absolument. Que Jackson 5. Lorsqu'il était enfant et adolescent, il était avec les Jackson 5, c'était du pur Motown, rhythm and blues, soul, et vers le funk. Et par la suite, même ses premiers albums solo, il y en a fait plusieurs. Hein. Ça a commencé en 72, des albums solo de Michael Jackson. Oui. Alors, jusqu'à même Off the Wall, qui est le premier de cette trilogie mondiale, c'est-à-dire Off the Wall est devenu un méga tube. Enfin, l'album lui-même est devenu très, très populaire. 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et 65 millions pour Thriller. Pourquoi? Incroyable. Parce que ce n'était plus seulement de la musique noire. Il y avait du rock. Il y avait de la musique, des éléments de musique électronique. Il y avait de la dance, de la musique dance au sens blanc du terme. Oui. Pas au sens rhythm and blues, soul, R&B. Oui. Et c'était une volonté affirmée quand Michael Jackson fait Beat It, par exemple, et on invite Eddie Van Halen à venir jouer le solo de guitare. Là, c'est vraiment la rencontre de la musique blanche, le hard rock très, très blanc de l'époque. Eddie Van Halen était une des plus grandes stars de ce courant-là. Et qui arrive là et qui fait... Mais c'est une icône. Cette chanson-là, sans le solo, c'est pas du tout la même chanson. Non. Et on a donc ce mur racial qui tombe là, tout d'un coup. Là, c'est le performance noir qui va rejoindre le public blanc et inversement qui amène aussi des artistes blancs dans son giron et qui les expose à un public plus traditionnellement noir parce que les gens qui écoutaient la musique Stax, Motown, n'auraient pas écouté un album de Van Halen probablement. Mm-hmm. Mais là, ils avaient en pleine face un solo. Il y avait un public blanc qui s'intéressait à la musique noire depuis plusieurs décennies, mais c'était une minorité. Alors qu'avec Michael Jackson, ces murs-là s'écroulent. Ouais. C'est-à-dire que... Pas juste le mur racial, il y a aussi le mur générationnel. Exactement. Il a su fédérer tous les groupes d'âge possibles. Ouais. C'est vrai. Phénomène qu'on n'avait pas vu, je pense, depuis les Beatles. Même les Beatles, c'était un petit peu difficile parce qu'il y a des parents qui n'aimaient pas beaucoup les cheveux longs de 1964. Mais il restera que tout le monde avait fini par reconnaître le mérite musical, etc. Frank Sinatra les avait adoubés sur le tard, mais quand même, ça s'était fait comme ça. Alors que dans le cas de Michael Jackson, ça a été un coup de tonnerre. Ça a été fracassant, ouais. Ça a été immédiat. Et les enfants jusqu'aux grands-parents le trouvaient extrêmement talentueux. Mon Dieu, qui est bon, qui danse bien, qui chante bien, etc. Ouais. Dans une époque où on voyait la fragmentation que mentionnait tantôt Alain, de pouvoir parvenir à faire ça, moi, je pensais vraiment que ça arriverait plus jamais. Parce que justement, il y avait cette fragmentation et des publics qui étaient disparates. Alors que lui a fédéré tout le monde sans se ringardiser. Hein, c'était quand même pas une star quétaine. Non. Il était quand même au diapason de son temps. Donc, pour avoir fait ça, franchement, c'était tout à son mérite. Et puis avec, pour revenir à Thriller, un formidable disque, 8 Grammy, le disque sort à la fin 82, 8 Grammy en 84, sur 9 chansons, 7 singles, dont celle-ci. Que toutes les têtes en studio bougent au son de la musique, ça en dit beaucoup, mais quand même formidable. C'est une machine, c'est une boîte à succès, à hit, ce disque-là. Là. Oui, enfin, je reviens encore sur les trois disques, Off the Wall, Thriller, Bad moins, mais Off the Wall et Thriller ont plein de chansons qui ont vraiment passé l'épreuve du temps. Ouais. C'est-à-dire que, bon, on réécoute Billie Jean, ça a pas pris beaucoup de rides. Ouais. C'est sûr que la production, le type de clavier, ça a vieilli un peu, mais grosso modo, ça se tient encore très, très bien. Il y a une bonne chanson, là. Oui, il y a une bonne chanson, là, mais en plus de ça, même la production, on peut la qualifier de vintage, pour employer un mot courant, mais à la limite, ça passe l'épreuve du temps, c'est encore pertinent, et en même temps, c'est un rappel historique intéressant, parce que il n'y a pas un album qui a vendu plus que ça dans l'histoire de l'industrie de l'enregistrement. C'est 65 millions d'albums, c'est le record absolu. Après ça, vous avez un AC/DC, Back in Black à 50 millions, Dark Side of the Moon de Pink Floyd à 45 millions, The Bodyguard de Whitney Houston à 44, Meatloaf à 43. Quand même. Alors, c'est le top 5 de tout temps. Et puis, vous parlez de la production. Il y a un joueur important qui va travailler avec Michael Jackson, Quincy Jones, sur l'album Thriller, mais sur d'autres albums aussi dans cette période-là. Ils seront vraiment une équipe. Quelle va être son importance? Je vous propose d'écouter un extrait d'entrevue du journaliste Patrick Émiraudeloup de Québec Rock au micro de Michel Pellan en 1984. Écoutez bien. Il a le meilleur arrangeur de musique à l'heure actuelle, en tout cas dans ce style de musique-là, c'est Quincy Jones, qui est reconnu par Hollywood, qui a fait les bandes sonores de plusieurs films, de plusieurs courts-métrages aussi, de plusieurs séries télévisées. Il est reconnu à travers le monde entier comme un des meilleurs arrangeurs. Même Robert Charlebois disait de lui que s'il avait Quincy Jones comme arrangeur, il n'en serait pas rendu là. Alors le succès, il va plutôt à Quincy Jones qu'à Michael Jackson? Visuellement, Michael Jackson est une étoile. Ce qui fait sa force musicalement, c'est Quincy Jones. C'est certain. C'est pas... Ce que fait Michael Jackson comme composition, c'est du funk noir simple. Si Quincy Jones n'était pas là, ça passerait pas. Du funk noir simple, sans Quincy Jones, ça ne passerait pas. Alain Brunet, vous aviez un air de dégoût quand vous écoutiez ces paroles. Je dirais pas dégoût, mais je pense qu'il n'avait pas écouté. Peut-être qu'il n'avait pas les références appropriées, puisque, premièrement, sur Thriller, Michael Jackson compose 4 chansons. Il compose Wanna Be Starting Something, The Girl Is Mine, Beat It, Billie Jean. This Girl Is Mine, c'est une chanson de Paul McCartney. Thriller, c'est Rod Temperton, qui est un Britannique. Human Nature, Steve Porcaro et John Bettis. Alors donc, et là-dedans, il n'y a pas beaucoup de funk et de soul. Ouais. C'est beaucoup plus de la pop hybridée. Mais son importance à lui par rapport à un Quincy Jones, pour revenir à la question. Quincy Jones ne compose rien dans les trois albums, ou à peu près rien. Et il ne fait, c'est un arrangeur. C'est un arrangeur, mais c'est surtout un réalisateur dans le cas qui nous occupe. Ouais. Il était plus arrangeur dans Off the Wall, et donc arrangeur associé au R&B et au jazz, parce que c'est un musicien de jazz au départ. Il faisait beaucoup de... Ouais. Si vous connaissez Giant Box de Quincy Jones, c'est un album complètement jazz. Et donc, il a passé du jazz, il s'est intéressé à la musique populaire, il est devenu un arrangeur, par la suite un réalisateur. Ouais. Et après ça, il a compris qu'on ne pouvait pas s'en tenir strictement au R&B, à la soul, au son Motown, au son Stax. Il fallait passer à autre chose pour devenir planétaire. Ouais. L'aspect visuel, c'est quand même important. Il le soulevait aussi, Patrick Émiraudeloup, dans cet extrait d'entrevue. Jusqu'à quel point ça va compter dans ce que deviendra Michael Jackson, le moonwalk, la danse, les vidéoclips, tout cet aspect, c'est un showman extraordinaire, cet aspect visuel-là. Ben, c'est l'âge d'or d'MTV. Nicolas Ticlet, ouais. Il faut se souvenir, par exemple, que Michael Jackson, on parlait de défoncer les barrières raciales, c'est le premier artiste noir à jouer sur les ondes d'MTV, la très jeune chaîne de vidéoclips, et sa compagnie de disques a dû se battre bec et ongle pour qu'MTV décide d'embarquer. Oui, alors qu'on pense aujourd'hui au vidéoclip, ouais. On ne peut pas imaginer le vidéoclip sans Michael Jackson. Or, ça a été la croix et la bannière pour qu'on réussisse à faire tourner ces vidéoclips et qu'on impose en quelque sorte Michael Jackson au public blanc parce que les dirigeants d'MTV trouvaient qu'il était trop noir. Il y avait encore cette vieille mentalité où on avait du colored music et de la musique tout court. Ouais, c'était pas aussi... Il n'y avait pas une ségrégation aussi marquée que dans les années 20, 30, 40 ou 50, mais... L'industrie de la musique s'adressait directement au public afro-américain, directement au public blanc, du Deep South, ou je pense au public country, par exemple, à ceux des côtes, soit de la côte Est ou de la côte Ouest, mais il n'y avait pas de mélange. Et à partir de ça, les choses s'écroulent. C'est-à-dire, on commence à admettre que, bon, on n'a pas besoin d'être dans une radio soul pour écouter Michael Jackson. C'est très possible de le faire un peu partout. Un mot en terminant sur Michael Jackson, au-delà des chiffres astronomiques, des chiffres de vente qui sont complètement surréalistes, son principal héritage, qu'est-ce qu'il nous laisse surtout? Mais c'est le côté global. Je suis allé en Inde deux fois, moi, depuis cinq ans, et j'ai été tellement étonné que Michael Jackson soit présent partout. Et on connaît Vijay Iyer. André a produit le grand pianiste d'origine indienne, mais qui vit à New York, Vijay Iyer. Et lorsque Michael Jackson est mort, il avait fait Human Nature en jazz. Mais à partir du moment où Michael Jackson est disparu, c'est-à-dire qu'on avait plus en tête ses problèmes personnels, on n'a pas besoin de les énumérer, on s'est rendu compte à quel point qu'il avait fait des classiques. Ouais. Alors que pendant peut-être une bonne période, post-bad, on avait un peu oublié. Il s'est un peu quétanisé. Et c'était, étant donné qu'il produisait pas énormément d'albums, il avait fait quelques disques, on l'avait plus ou moins mis au rencard dans notre petite tête, même s'il était immensément populaire dans les faits. Je disais au début, certains, j'ai lu ça, il est aux années 80, ce qu'Elvis Presley a été aux années 50. C'est exagéré ou pas? C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça dans les faits, parce qu'Elvis Presley, c'est un phénomène occidental. C'est pas un phénomène planétaire. Ouais. Glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Le rap, c'est une façon de s'exprimer, de crier. C'est une révolte, en fait. Au départ, c'est une révolte de la situation du ghetto. En New York, les Noirs du ghetto ont besoin de se révolter, de dire, de crier leur misère, quoi, ou de dire dans quel gâchis ils sont et tout ça. Bon, alors, ils l'ont fait en rappant. Je veux dire, le racisme a toujours existé, il existera toujours, et il faut faire connaître à tout le monde, les Blancs y compris, la situation de chacun. La rappeuse montréalaise Ludmilla Zetkin, alias Blondie B, qui retrace dans ce court extrait les origines du rap à l'émission Les Belles Heures en 84. Ce qu'on entendait, c'est la musique de Grandmaster Flash, qui va être vraiment l'un des premiers rappeurs à percer au début des années 80. Ce qu'on vient d'entendre, cette pièce-là date de 82. Nicolas Titley, ça commence quand, où, dans quel contexte le rap? Difficile de mettre une date précise, mais on peut remonter au début des années 70 avec cette tradition de ce qu'on appelait les block parties, littéralement des parties de coin de rue où la musique sortait des clubs et vraiment on se mettait à faire la fête dans la rue, dans les quartiers chaud, entre guillemets, de New York, parce que le Bronx, le South Bronx en particulier, dans les années 70, c'était quasi une zone de guerre. Et il y a une présence très, très forte de gangs de rue. Et ce que le rap, le hip-hop va apporter, c'est une espèce d'alternative, en quelque sorte, parce que parmi les pionniers du hip-hop, il y a trois personnes importantes. Il y a Grandmaster Flash, il y a Kool Herc, et il y a également Afrika Bambaataa. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens là sont d'origine, soit d'origine jamaïcaïenne ou trinidadienne, enfin, ils viennent des Caraïbes. Et il y a en Jamaïque, entre autres, une tradition, une longue tradition de DJing où on se promène avec des sound systems. Littéralement, on traîne la musique de village en village et le DJ, en fait, met des chansons et souvent va jouer des versions instrumentales des chansons, va arrêter le disque, va modifier, va jouer l'ancêtre du remix, en fait, et va se mettre à scander de temps à autre des messages. Et on a là le toaster, ce qu'on appelle le toaster. Et on a là donc les racines du hip-hop. Et ça va se transporter donc dans les rues new-yorkaises. Et on va commencer comme ça dans les années 70. Et il y a beaucoup de gens, dont Afrika Bambaataa, qui va être un personnage vraiment très, très important, qui au début des années 80 va connaître beaucoup de succès avec Planet Rock, qui est une fusion. Alain parlait tout à l'heure de l'importance de Michael Jackson. Comment Michael Jackson a fusionné la musique blanche et la musique noire. Et Afrika Bambaataa, qui est très afrocentriste, va échantillonner une pièce de ce qui est probablement le groupe le plus blanc de l'univers, Kraftwerk, un groupe électronique allemand, et va fusionner donc ça, il va créer une espèce de son nouveau qui va, on parlait de l'éclatement des années 80, je pense que c'est presque à l'origine de ça. Mais donc on a tous ces gens-là qui vont créer une musique et qui va, on le disait, on l'entendait dans l'extrait, qui va parler de la réalité sociale des Noirs, mais qui parfois va essayer d'apporter aussi une alternative à la vie de gang de rue. Et ça va donner, évidemment, puis on va y venir dans un instant, de grands succès, ce sera commercialisé, de grands disques, mais c'est au départ vraiment, puis vous étiez là, entre autres, vous avez vu ça à New York, au tout début, là, quand ça commence vraiment à prendre forme. Il y avait eu la fameuse manifestation pour la paix avec Orson Welles comme orateur au Central Park, et j'étais là, je pense, en 81-82, et là, on logeait, je sais pas pourquoi, on nous avait logé dans East Harlem. Et même à cette époque-là, c'était un quartier chaud, on n'avait pas d'affaires là. Et on a commencé à voir ces fameux block parties. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ouais. Tout le monde avec des ghetto blasters qui faisaient du breakdance. Et il y avait des MC. Il y avait pas des tables tournantes partout, mais il y avait toujours de la musique avec des gens qui faisaient du rap. Et qui aussi faisaient de la danse. La danse qu'on appelle le breakdance. Et, enfin, tout ce qui a suivi par lui avec les B-Boys, maintenant, ça s'est beaucoup, beaucoup spécialisé. Ça fait déjà plus de 30 ans, même pas loin de 40. Et donc, c'était très particulier. J'ajouterais aussi aux origines du hip-hop afro-américain toute la tendance de la poésie scandée des Noirs des années 50-60. Ouais. Du côté de la Beat Generation, il y avait des Noirs, il y avait Langston Hughes, après ça, il y a eu Gil Scott-Heron, qui déclamaient leurs textes de poésie d'une façon très... Les Last Poets, eux, ont commencé même à introduire du funk derrière, alors que les précédents introduisaient du jazz. Ouais. Enfin, juxtaposaient leur poésie au jazz. Après ça, c'était le funk, et on se souvient aussi, évidemment, de Curtis Blow, aussi, qui est parmi les premiers MC qu'on appelle de la vieille école, old school, qui ont même précédé Grandmaster Flash et Sugar Hill Gang. Et il y a même des non-musiciens importants. On a perdu Mohamed Ali il n'y a pas très très longtemps, et plusieurs personnes voient en Mohamed Ali l'un des pionniers du rap, parce qu'il y avait cette scansion, cette manière de dire. Et tout le monde faisait ça. Dans les églises, ça se passait comme ça aussi. Et c'était un truc qui était dans la rue. Souvent, on avait, quand il y avait une joute verbale, on appelle aujourd'hui les rap battles, on voit des rappeurs s'affronter l'un l'autre, improviser comme ça. Et c'est une tradition vraiment quasi ancestrale chez les Afro-Américains où on a ça, cette manière de parler de façon rythmique. Et d'ailleurs, c'est ça, l'acronyme RAPS, Rhythm and Poetry. Ouais. C'est ça. Et puis en 79, il y aura ce grand coup de tonnerre qui va sortir le rap du ghetto. Said a hip hop, the hibbit of a hip hip hop, you don't stop. Rock it out, baby, bubba to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so... Cette pièce, Rapper's Delight de Sugar Bill, tout le monde, ah, ça a été, je disais, tout le monde connaissait. En tout cas, à l'époque, tout le monde connaissait bien ça. Oui, bien ça a été un grand, grand, grand succès. C'est l'amalgame parfait de disco et de funk avec du rap. Alors donc, ça pouvait pas être plus fédérateur. Ça a été le premier gros succès. C'était un succès mondial. En 1980, ça a été l'une des très, très grosses chansons. Et on va voir aussi des artistes blancs, très, très rapidement, Blondie, entre autres, qui va aussi intégrer à sa musique pop, rock aussi, des petits éléments de rap comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette chanson-là, vous entendez Wonder Mike, qui, dans le premier couplet aussi, qui dit... C'est presque un cours de rap 101. Il explique, il dit, voici, je suis là derrière le microphone et je vais rapper sur le beat. Il explique littéralement ce qu'il est en train de faire. Oui, c'est ça. Ceci est un produit. Donc, on est en train de nous expliquer un peu ce que... Et c'est une chanson qui est, comme le dit Alain, qui a une base vraiment dans le funk. Il y a peut-être même un côté encore disco un peu de l'époque. Oui, la ligne de base est disco. C'est assez disco. Et on est... donc, c'est quelque chose de très accessible aussi, de très entraînant, de dansant aussi. Puis évidemment, il y aura d'autres grands succès, mais c'est le début de la percée. Là. Ça sort vraiment du ghetto. Mais dans cette pièce-là, on peut presque entendre One Bites the Dust. Ah ben, c'est vrai, qui est un take-off, comme on dirait en anglais. Ouais. C'est une affaire... ça va rester une affaire essentiellement de noir, le rap, ou pas? Non. Alain Brunet, non. Ça va exploser. Ça va devenir mondial très rapidement, mais je pense que il y a eu, évidemment... un phénomène Elvis, bon, avec des groupes comme les Beastie Boys, éventuellement avec Eminem aussi, il y a d'avoir des performeurs blancs dans ce genre intrinsèquement, essentiellement afro-américain, ça va aider quand même à populariser. Mais à l'époque, je me souviens à l'époque du gangster rap au début des années 90, beaucoup de jeunes gens, plus la musique va être noire, plus elle va parler du ghetto, et plus ça va attirer les jeunes blancs. Parce qu'il y a quelque chose de dangereux un petit peu, de rebelle là-dedans. Et c'est aussi banlieusard nord-américain. Mmh. Ça se passe dans les banlieues, donc il y a les Wigga, I wanna be a nigga. c'est ça, et donc... rebelle, mais ça parle de cash aussi. Ça parle de cash et de vente de produits illicites. Et aussi, de déshybridation, on a parlé d'introduction de rock, mais Run DMC avec Aerosmith, c'est vraiment... Donc, la fusion du rock blanc de Boston, typique hard rock blanc... avec du hip-hop. La vidéo est une illustration un peu caricaturale, mais du mur à défoncer. Exact. Ils finissent amis. C'est littéral, Ils sont séparés pendant presque toute la première partie du clip, ils sont séparés par un vrai mur qui va être défoncé littéralement pendant la chanson. Et donc, Steven Tyler et Run DMC vont se retrouver côte à côte tout d'un coup. Et ça, c'était... tous des amis. Oui, et ça, c'était assez novateur. Parce que pour revenir à la question, ça a été un genre de minorité. Il faut pas oublier aussi d'autres minorités ethniques qui vont s'intéresser à ça. C'est pas pour rien qu'en France, ça va devenir la musique des banlieues aussi. Ouais. Des jeunes maghrébins vont beaucoup, beaucoup s'identifier. Oui. Quand on est dans une situation minoritaire et souvent on vit une oppression économique, sociale, c'est une musique qui va devenir porteuse d'espoir dans bien des cas. Au départ, on a entendu au début de l'émission de Message, de Grandmaster Flash, ça c'est un constat où la chanson parle vraiment du délabrement urbain, de comment ça va mal, c'est dur de vivre et on se demande comment on survit à ça. Et il y a des chansons qui vont devenir de plus en plus politisées et engagées. Ça va amener à des groupes comme Public Enemy, par exemple. Ouais. Ils sont très radicalement vous engagés. Vous parliez de la France, Nicolas Titley. On va s'y diriger justement avec ce très, très gros succès. On sort un tout petit peu des années 80, 91, mais quand même, ça va. C'est tellement parlant sur ce que sera le rap en France, MC Solar. Bouge de là. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte ma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Donc, MC Solar, c'est Bouge de là, en 91. Nicolas Titley, parlons de la France. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais comment ça, quelle forme ça prend, dans quel contexte ça commence le rap là-bas. Puis, il y aura une différence française, MC Solar, puis plus on va avancer dans le temps, plus on sera dans cette différence avec lui, entre autres, mais avec d'autres, dans l'utilisation de la langue, la finesse, du rap français ouais. par rapport au rap américain. Probablement l'un des plus grands auteurs, en fait, MC Solar, de l'histoire du rap francophone et qui a crédibilisé, en quelque sorte, ce genre-là. Parce que pour des oreilles qui n'étaient pas habituées, surtout des oreilles francophones qui ne comprenaient pas ce que les rappeurs américains disaient, c'était une musique qui pouvait sembler vulgaire, simpliste à l'extrême, et je pense qu'MC Solar a apporté un degré de sophistication. Est-ce qu'il y a plus de finesse objectivement dans le rap qu'on fera en France que celui qu'on fait aux États-Unis? Alain Brunet. Ben, il y a une tradition littéraire plus grande, alors oui. Forcément, ça déteint sur les auteurs. Oui. Alors donc, effectivement, il y a plusieurs MC qui créent des rimes qui sont plus sophistiquées, plus oui. raffinées, puisqu'ils, malgré eux, ils proviennent d'une grande tradition ouais. de littérature française. Et pour revenir à MC Solar, Nicolas Titley, c'est celui qui fait un petit peu... Parce que en France, comme aux États-Unis, on parlait de New York, d'Harlem, ça commence dans les banlieues, dans les ouais. cités, dans les banlieues françaises. MC Solar, c'est un de ceux qui va faire traverser le rap, qui va permettre au rap de traverser le périphérique, d'arriver dans le Grand Paris. Et on va le lui reprocher, d'ailleurs. On va trouver que c'est un rappeur de bourgeois, éventuellement, ouais. parce que les jeunes des banlieues vont préférer des choses beaucoup plus crues, des groupes comme NTM, par exemple, Nick oui, ta mère. Joey Starr. Joey Starr, là, on est dans la violence, oui. on est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est là que et ça le commence. Langage, et le langage aussi. Le langage cru. Beaucoup plus cru, oui. Le verlan aussi. Oui. L'invention, la réinvention du français en inversant les syllabes. Parce que c'est là que ça commence quand même, en France aussi, là, dans la banlieue. Mais parce qu'on peut dire, Alain le disait, il y a une tradition, MC Solar, en fait, brise pas vraiment avec la tradition. Il arrive avec un nouveau genre, mais il est, en quelque sorte, beaucoup plus l'héritier de Gainsbourg, qu'il va échantillonner, oui. d'ailleurs, de façon célèbre. Oui. Mais quand on a grandi en entendant des textes de ce calibre-là, c'est normal qu'on en écoute. NTM, là, on est... C'est plus représentatif oui. de la réalité. Mais il y a ce même dégradé-là partout dans le monde hip-hop. Hein. Vous avez une partie, une aile plus sophistiquée, plus lettrée, oui. plus éduquée, et à l'autre extrême du pôle, à l'autre pôle, vous avez la partie plus gangster, plus radicale. Ça peut être gangster d'un point de vue vraiment, bon, vente de drogue, les femmes, l'argent, machisme extrême, et aussi, vous avez aussi une tendance plus politique. On pense à Public Enemy, mais il y en a plein aussi. Il y en a en France. Il y en a, enfin, dans la francophonie, il y a aussi une tendance politique dans le hip-hop. Et donc, vous trouvez un dégradé. Ce n'est pas homogène. Il y a une tendance géographique aussi. Ce qui va être intéressant en France comme ailleurs, d'ailleurs, on va voir des régions. Il y a IAM qui va représenter le rap de Marseille, oui. qui est très, très différent du rap qui se fait à Paris. De la même manière, aux États-Unis, on a la côte ouest, Ouest, c'est deux genres radicalement différents. Ça s'est déplacé. Aujourd'hui, on parle plutôt du nord et du sud que de l'est et de l'ouest. Mais, oui, mais on représente en général l'endroit d'où on vient. Mm-hmm. Et la réalité sociale à Marseille est assez différente de celle qu'on retrouve en Seine-Saint-Denis. Ça s'entend dans la composition des groupes et dans leurs paroles et dans leur musique aussi. Et la planète Québec dans tout ça. J'avais rien à faire. J'étais tranquille. Je tourne un rond dans la maison. Le téléphone sonne, c'est Shirley. Elle me demande ce que je fais, je lui dis que je fais pas grand chose, mais que de toute façon, j'aimerais ça si elle venait faire un tour à la maison. Un peu plus tard, Shirley arrive, elle me demande d'y composer une tune parlée comme à radio, une tune pour la faire danser. Je prends ma méthode de guitare, je m'en vais pratiquer chez Oscar. pour essayer d'y composer une tune de rap. Vous connaissez Shirley, à vous l'entendre du rap à Billy. Le rap à Billy, vous connaissez. Lucien Francœur et son rap à Billy en 1983, qui était très fier, Lucien Francœur, de dire « C'est moi qui ai fait la première chanson rap au Québec ». Il le dit encore, d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, il n'a pas décroché. Évidemment, je pense que tous ici autour de cette table, on s'entend pour dire que c'est pas vraiment du rap, ce que fait. Mais c'est une observation sur un phénomène. Parce que dans la chanson, Lucien Francœur dit, Shirley lui parle, puis elle lui dit « Fais-moi donc une chanson comme les Noirs de New York ouais. ». Alors, il observe ce phénomène-là. Ouais, En fait, il entretient un peu une confusion. Il faisait déjà de la récitation sur musique avec autre chose, c'était ça. Ouais. Maintenant, là, bon, il a pris conscience de la naissance, ou en tout cas de l'existence du rap, et là, il essaie de le ramener un peu sur lui, mais c'est sûr que... On entend la musique derrière. Bon, il y a une ligne de basse un peu funky, mais ça reste une chanson rock. Là, ce sont derrière, des musiciens de rock qui essaient de faire du funk. En fait. Mais est-ce que c'est pas au-delà de l'anecdote, au-delà de la chanson de Lucien Francœur, il y a eu Rock et Belles Oreilles qui a fait une parodie. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de désir de comprendre, mais en même temps, au début en tout cas, d'incompréhension profonde de ce qu'est le rap au Québec? Mais je suis tout à fait d'accord et je pense que Ça rend rap de RBO, la parodie dont vous parliez, ça va accentuer ce phénomène-là et va faire que pendant presque toutes les années 80, je pense que le Québec va entretenir une très étrange perception de cette musique-là. Et d'ailleurs, quand on écoute Ça rend rap, je trouve que ça ne sonne pas du tout comme une chanson rap, encore là. Comme Lucien Francœur, on a l'impression que c'est un groupe de rock. À la limite, les paroles sont plus syncopées et s'imbriquent dans le rythme. Ouais. Alors que La musique elle-même ne l'est pas tellement. Et je pense qu'on va, on va voir longtemps cette musique-là comme la musique de l'autre. Ouais. Et si bien que quand... Bon, les premiers groupes vont arriver, MRF, par exemple, qui était le mouvement rap francophone, qui était un groupe... intéressant parce qu'il était politisé quand même et on parlait de la question de l'identité dans le hip-hop, ça passait là-dedans. Ils avaient des t-shirts de René Lévesque plutôt que d'avoir des t-shirts de Tupac. Mais ils avaient une connaissance de base du mouvement hip-hop. Mais il y avait aussi au Québec quand même beaucoup d'amateurs de hip-hop, des francophones québécois. Ça n'avait pas franchi le cap de la culture de masse, c'est-à-dire de la diffusion, des grands médias, de l'industrie du disque. Ouais. Mais quand même, il y avait plein d'amateurs de hip-hop. Ah oui, ça existait. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, une culture rap, ça arrive Ah oui. Elle est très forte aujourd'hui. Moi, je pense que le premier album qui solide, c'était celui de KCLMNOP dans les années 90, qui était vraiment un album qui souscrivait à toutes les formes admises du hip-hop mondial, enfin surtout afro-américain, et avec un flow, c'est-à-dire une façon de déclamer qui était vraiment adéquate. Mm-hmm. Par la suite, ça a explosé. Il y a eu plein d'artistes dans les années 90. Je pense à Yvon Crevé, notamment. Sans pression. Sans pression, bien sûr. Très, très important. Il y avait aussi l'autre groupe là, avec un chanteur d'origine camerounaise, là... Dommatique. Qui a vendu énormément. Dommatique a beaucoup contribué à populariser le rap. Oui, Dommatique avant Sans Pression. Et Mozaïen aussi a été un groupe très, très important. Mozaïen avec du rap littéraire. Oui. Le succès de Dommatique avait même forcé la disque à inventer enfin une catégorie. Qui au départ a été une catégorie hybride rap. Alternatif. Alternatif électronique. Je pense que c'est Carole Laure qui l'a gagné la première année d'ailleurs. C'est un peu étrange. C'est-à-dire, il y avait une confusion. Aujourd'hui, c'est encore difficile de faire entrer, le rap dans la grande famille de la musique québécoise à cause de la question du franglais, entre autres, qui est très, très problématique. Mm-hmm. Donc, pour certains. Ils sont encore en marge, alors que c'est une musique que presque tous les jeunes écoutent. Quand elle est arrivée sur scène, fragile, on a pu craindre un instant qu'Ella Fitzgerald ne soit plus que l'ombre de la grande chanteuse que nous avions connue. Merci. Merci beaucoup. Le Les apparences sont souvent trompeuses. Elle est restée 2 heures en scène, debout, un récital inoubliable. Madame Fitzgerald, qui a subi l'été dernier un pontage coronarien, a perdu beaucoup de poids, mais pas son intensité. Tous ceux qui étaient là ont eu conscience d'assister à un spectacle comme on n'en verra probablement plus beaucoup. We may never, never, never meet again on that bumpy road to love. Dernier segment de cette émission sur les années 80 en musique avec la création du Festival international de jazz de Montréal en 1980. André Ménard, on entendait un extrait du reportage de Paul Toutant. Elle est venue 2 fois au Festival La Fitzgerald en 87 et en 83. Ça fait partie de vos plus beaux souvenirs du festival. Oui, les 2 fois, c'était pour la soirée clôture. En 83, elle était à l'autre extrême d'un festival qui avait été ouvert par Sarah Vaughan. J'avais découvert 2 caractères très, très différents. Ouais. Sarah Vaughan, une femme impossible, alors qu'Ella Fitzgerald, c'était presque ta grand-mère. Ouais. D'une gentillesse impeccable et vraiment aussi une très bonne performeuse. En 87, j'avais croisé Len Dobbin, qui était le roi des critiques de jazz à Montréal. Enfin, côté anglophone, sur votre respect, monsieur. Monsieur Boulet. Len a passé sa vie. Il m'avait dit, je suis pas sûr que je vais rester, je la trouve déméniche et tout. Moi, c'était une journée un peu spéciale, j'ai enterré mon père ce matin-là. Ouais. Donc, je me suis assis dans la salle. En 87, on avait donné comme une recommandation aux artistes. Le thème du festival, le thème musical, on n'a pas fait ça souvent, on avait choisi un thème musical, c'était Summertime, pour les 50 ans de la mort de Gershwin. Et j'avais demandé à La Fitzgerald avant le concert, allez-vous chanter Summertime? Ouais. Elle m'avait dit, tu vas quand même pas dire à La Fitzgerald ce qu'elle doit chanter. Je dis, non. Surtout pas. Mais enfin, si vous avez lu notre lettre, elle dit, on verra. T'sais. Et finalement, à la fin, elle est revenue en scène et seule avec le pianiste, les petites lumières comme au spectrum, au fond de la salle. Ouais. Au fond de la scène, c'est-à-dire. Et elle avait chanté Summertime en me le dédiant. Et ça, ça s'appelle que la magie. J'étais un bon garçon qui avait une difficile journée. Hum. Et je peux vous dire que ça reste longtemps en mémoire. Et après son récital de 2 heures, alors que l'année suivante, elle a eu les 2 jambes coupées carrément par le diabète. Par le diabète, ouais. En sortant du concert, les gens l'attendaient à trouper derrière la salle de Pelletier, le petit balcon où ils sortent pour aller rejoindre la voiture. Et elle s'est arrêtée, elle a chanté une chanson pour le public. Générosité incroyable. Oui, c'est un souvenir qui est ineffaçable, ça c'est sûr. Je voulais qu'on commence par là, en fait, avant de refaire l'histoire comme telle, mais par les beaux souvenirs. Puis je sais qu'il y en a un autre. Puis de fait, Alain Brunet aussi, je pense que à la fois Ella Fitzgerald et à la fois Wynton Marsalis, ça fait partie à tous les deux de vos beaux souvenirs. Marsalis, en 82. Ça, pour vous, André Ménard, c'est dans la catégorie « Je viens de faire un maudit bon coup ». Bon, on a fait un coup d'audace un peu parce qu'il n'était pas tout à fait connu. Son premier disque sortait à peine sur Columbia. Je l'avais vu à New Orleans au mois d'avril, alors que là, on est au mois de juillet. Et il avait joué en première partie des Four Tops et de Fats Domino. Fats Domino, qui est un roi de la Nouvelle-Orléans, évidemment. Les Four Tops, qui est un groupe de Motown. Et George Wayne l'avait présenté comme ça en ouverture de soirée. Et là, des garçons arrivent, les beaux habits, tout ça. Ils jouent comme des maîtres et tout, parce qu'il jouait avec son frère Branford aussi. Et je m'étais dit, il y a quand même une hauteur là-dedans qui n'est pas celle des jeunes bandes. Il y avait déjà une grosse maturité et tout. Il se présentait fort bien, il jouait divinement. Alors je m'étais dit, on devrait peut-être le programmer au Théâtre Saint-Denis comme tous les autres grands. Si jamais il y a pas assez de monde, on fermera le balcon. Mais on devrait risquer de faire Wynton Marsalis. Et ça avait quand même pris assez vite. Les médias avaient beaucoup embarqué dans ce nouveau phénomène qui a signalé finalement, comme tantôt mentionnait Alain, il y a eu l'éclatement des genres, mais à l'intérieur des genres aussi, il y a eu un éclatement. Oui. Et oui. Dans le jazz, ce néoclassicisme a fait un courant qui est encore ici maintenant. Bien, le Festival de jazz de Montréal coïncide avec l'arrivée du CD. Oui. C'est-à-dire que le CD devient un produit consommé par tout le monde. Et avec le CD, on ramène les vieilles collections de jazz. Et donc, il y a plein de monde qui s'intéresse de nouveau au jazz. Alors que le jazz, depuis la révolution psychédélique des années 60, Woodstock, etc., on s'y était moins intéressé. C'était pas très branché d'écouter du jazz. Sinon que le jazz rock avec Miles, avec John McLaughlin. Oui, mais c'est ça, la portion des jeunes qui s'intéressaient à la fusion, au jazz fusion, ce qu'on appelle. Et à la philosophie aussi, à la Mahavishnu. Exact. Donc, quelques groupes étaient des exceptions. Pour les amateurs de rock progressif et de jazz fusion en même temps, plus ou moins. Et donc, On assistait, c'est ça, comme André le dit, à un nouveau classicisme. Ces jeunes musiciens en complet cravate qui se comportent comme des musiciens classiques. Oui. Enfin, et ça, c'était tout à fait nouveau. Même auparavant, ça n'était pas comme ça. Même si dans les années 40-50, tout le monde était en complet cravate, les gens du jazz ne portaient pas la cravate de la même façon qu'un musicien classique. Et ça a donné... Mais qui ne se cantonne pas dans le vieux répertoire. Exact. Et ça a donné ce concert, donc ce concert magique de 82 de Wynton Marsalis à Montréal. Montréal s'est finalement toujours intéressé au jazz, vous savez, comme toutes les grandes villes américaines ordinaires. Et puis Montréal peut également se réclamer, comme la plupart des villes américaines d'ailleurs, d'être le lieu d'origine d'un certain nombre de grands musiciens. Par exemple. Chez nous, on se vante de Maynard Ferguson, le trompettiste qui ouvrait vendredi soir le festival, et puis de Oscar Peterson, un des plus célèbres pianistes de jazz, un des meilleurs aussi. Il y a eu à l'Expo Théâtre une série de festivals de jazz dans les années 60, où on a vu Duke Ellington, Sarah Vaughan et tout ça. Justement, il y a eu une époque où il y a eu des festivals, vous parlez des années 60, puis il n'y en a plus eu. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, avec ce festival, cette nouvelle vague de festivals, si je peux dire, puisqu'on en est au troisième, est-ce que maintenant c'est là pour rester? C'est probablement là pour rester, attendu que cette fois-ci, ça semble avoir été construit avec beaucoup d'efficacité et grâce à une organisation solide. Les initiateurs de cette histoire avaient d'abord essayé de monter un festival de jazz en 1979 et se sont carrément cassé la gueule, faute d'appui. Les producteurs ont ri d'eux à l'époque. Et puis, ils ont avorté, faute d'appui financier. Mais en 80, ça a réussi. On a enregistré deux des spectacles du festival, et avec l'argent qu'on a réussi à récupérer en vendant ces spectacles à des télés étrangères, on a pu monter celui de 81, où déjà on avait 20 000 spectateurs, et on a enregistré tous les spectacles qui ont permis d'organiser celui-ci, qui est encore plus grand. La musique d'Oscar Peterson, juste avant, c'est le journaliste Jacques Larue-Langlois qu'on entendait le 4 juillet 82, troisième édition seulement du Festival de jazz André Ménard. Ça a dû vous faire plaisir d'entendre ce qu'il disait, mais c'est vrai que... C'était tout à fait vrai, historiquement, tout ce qu'il a dit. Voilà, la 79, c'est le rendez-vous manqué. C'est pas facile au début, là. Vous êtes un peu fou. Non, mais c'est que pour pouvoir faire un festival, ça suppose qu'entre autres, on va chercher des artistes qui sont pas forcément tournés. Donc, pour faire ça, il faut évidemment débourser plus parce que, bon, ils peuvent pas prendre un billet d'avion pour faire la tournée, il faut en prendre un seulement venir à Montréal, etc. Donc, tous les frais sont beaucoup supérieurs. Et comme il n'existait pas en 79 ni de programme de subvention, d'intérêt, de commanditaire, ni rien, on a dû battre en retraite, on a produit les spectacles pour lesquels on avait déjà signé des contrats, mais on n'appelait pas trois spectacles un festival. En 80, là, finalement, on a pu formater quelque chose avec deux concerts à la Place des Nations, huit concerts au kiosque international qui existe encore sur le site de l'Expo 67. En 81, on était déménagé à l'Expo Théâtre et au Club Montréal, qui est devenu l'année suivante le Spectrum. Ouais. Et en 82, déménagement sur le Saint-Denis. Et là, vraiment, il s'est produit quelque chose qu'on n'avait pas vu venir vraiment. On avait des animations les deux dimanches. On avait des clubs de Rue Saint-Denis qui, eux, avaient des spectacles tous les soirs. Mm-hmm. Et nous, on avait une très grosse série de concerts au Théâtre Saint-Denis. Deux concerts par soir pendant tout le festival. Et aussi, on avait, je pense, quelques concerts à la Bibliothèque nationale. Ouais. Et de là, il y a beaucoup de monde qui sont venus sur la rue. Et il y a des soirs où c'était pas fermé à la circulation. On avait prévu fermer juste les deux dimanches après-midi. Et les gens se promenaient comme si on était en pleine Saint-Jean-Baptiste. Et là, on avait réalisé que... Oh, il y avait vraiment une convergence de la rue Saint-Denis. Les marchands étaient très surpris de voir des anglophones. Mm-hmm. Faut voir qu'en 82, on était encore dans l'ambiance post-référendaire. Ouais. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment magique et on a compris qu'on avait eu le goût cette fois-là, je pense. Ouais. Et puis la ville, au fond, on l'évoquait un peu dans... Ouais. Jacques Larue-Langlois en parlait, mais Montréal, ville de jazz, dans quelle mesure Montréal était prête? Comment ça se plaçait, Alain Brunet, dans l'arrivée du festival, dans cette relation de Montréal avec le jazz? Montréal avait été une ville de jazz dans les années 40-50, jusqu'à l'ère Jean Drapeau, jusqu'à l'Expo, en fait. À l'Expo, les années précédentes, le maire Drapeau avait fermé plus ou moins le côté Montréal ville ouverte, qui était effectivement peut-être douteux, mais en même temps, il portait le jazz. Mm-hmm. Il y avait plein de musiciens de New York qui venaient, et même parfois qui venaient vivre une année, deux années, trois années à Montréal et gagnaient leur vie ici. Donc, il y avait ce côté interlope, mais le côté jazz était là. Il y avait une tradition depuis quand même quelques décennies qui avait été étouffée par l'Expo et aussi par le déclin du jazz lui-même et qui, comme on disait tantôt, les années 80, c'est la résurgence du jazz. Non seulement le jazz rock, le jazz fusion joint une partie des jeunes, les plus mélomanes des jeunes, c'est-à-dire ceux qui aiment des musiques un peu plus poussées, qui ne s'en tiennent pas au rock ou au folk ou enfin à la forme chanson, et aussi les amateurs de musique acoustique et aussi les connaisseurs qui aimaient du jazz, qui aimaient le jazz depuis leur jeunesse et qui étaient rendus peut-être à 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui se sont tous pointés au rendez-vous. Et ça, c'était extraordinaire. Et je me souviens en 82, l'arrivée de Miles Davis, enfin le retour de Miles Davis sur la scène mondiale et au Théâtre Saint-Denis, ça avait été un choc tellement énorme que la plupart des gens qui avaient assisté à ce concert-là ont flotté pendant à peu près un mois ou deux. Et ça fait que ces très, très grands coups vont donner beaucoup de crédibilité au festival. C'est étonnant. Écoutez l'extrait qui suit, mais ça va être difficile les tout débuts, André Ménard, mais quand ça décolle et ça décolle très vite. Écoutez ce reportage de Jean-Marc Desjardins. On est une année plus tard, en 83. Ce n'est que la quatrième édition du Festival de jazz. L'objectif de cette année visait à atteindre 100 000 spectateurs, mais c'est finalement 150 000 participants qui ont donné le ton à l'événement. Sous cet angle, l'expérience prendra encore plus d'ampleur l'an prochain. Quant aux prestations officielles, tous les grands spectacles ont été présentés devant des salles combles et des publics gagnés d'avance. Et puis, les véritables gagnants de ce festival, les jazzmen québécois et canadiens, qui ont trouvé pour une rare fois un auditoire à la fois intéressé et sympathique. Bref, tout le monde y a trouvé son compte et la fête du jazz montréalais, qui célébrera l'an prochain ses 5 ans d'existence, s'inscrit dorénavant comme un des événements culturels majeurs au pays. La rapidité. À la cinquième, l'année d'après, à la cinquième édition, c'est déjà le Festival international de jazz de Montréal, un des grands festivals de jazz au monde. On a eu un concert au Forum pour le cinquième. Pourquoi ça va si vite? Oscar Peterson, Charles Dutoix, Jean-Luc Ponty. Qu'est-ce qui se passe, Anna Brunet? Il y avait un vide culturel. Oui. Par exemple, le déclin de la phase nationaliste et des fêtes nationales. C'est-à-dire, fêtes nationales restaient importantes, mais tout à coup, les gens se sont cherchés un autre événement, inconsciemment ou non. Et le festival de jazz a rempli cet espace-là. Donc, c'est devenu une fête. Évidemment, par la suite, au départ, pendant peut-être 10, 15, jusqu'aux années 90, c'était vraiment essentiellement jazz. Par la suite, c'est devenu beaucoup plus un festival de musique, beaucoup plus polyvalent, généraliste, je dirais, avec le jazz comme une des composantes. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré le côté spécialisé, même dans les premières années, ça devient un événement fédérateur très rapidement. Et vous parlez du succès. Je pense que ce qui est important, c'est que ce festival-là est dès ses débuts aussi dans la rue. Il est là et les gens, ça anime le quartier latin d'abord, le quartier des spectacles d'aujourd'hui, mais ça devient l'espèce de poumon culturel de la ville. Ça fait partie de l'ADN de Montréal. Oui, parce qu'on théorisait beaucoup sur l'art dans la rue, sur la prise, que l'art s'approprie la rue, etc. Et le festival de jazz est venu un peu incarner ça. Aussi, presque par hasard, mais quand même, ça s'est passé comme ça. Mais il faut voir qu'il était tributaire, je pense. C'est évidemment que le Big Bang de la modernité culturelle au Québec, c'est la Révolution tranquille qui l'a apporté. Et la cerise sur le gâteau, ça a été Expo 67, avec son grand programme culturel qui incluait des musiciens de jazz, comme disait Alain tantôt, même si le maître Rapon n'était pas très friand. Et ça, je peux vous dire qu'on l'a vécu après. Ouais. Mais après, évidemment, le programme culturel qui a accompagné les Jeux olympiques aussi avait été fort important. Ouais. Et je pense qu'il y a une certaine nostalgie de ces festivals à saveur internationale. Ouais. André Ménard, Nicolas Titley, Alain Brunet, vous étiez passionnants. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.